Le maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême de notre parti et de notre peuple, a adressé le 17 novembre de l'an 105 du Jeudi 2016 aux participantes à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée une lettre historique renforçant davantage les affaires de l'Union des femmes suivant la bannière de transformation de toute la société par le kimilsunisme-kimjongunisme. En voici le résumé. La 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée a lieu à l'époque dynamique, caractérisée par l'offensive générale de tout le peuple, pour réaliser rapidement un objectif ambitieux de l'éducation d'une puissance socialiste, présenté par le 7e congrès du Parti du Travail de Corée, et par des miracles étonnants successifs imprimés dans la campagne de 200 jours. Ce sera une occasion historique qui manifeste la volonté inflexible et l'esprit révolutionnaire des femmes coréennes de travailler vigoureusement pour la victoire finale de l'œuvre révolutionnaire du Tse derrière le parti et de développer à une nouvelle étape élevée les affaires de l'union des femmes au niveau de l'époque et du développement de la révolution. Le mouvement des femmes coréennes est le mouvement féminin du Tse qui est entrepris par le président Kim Il-sung et qui s'est développé fièrement sous la direction du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Les femmes coréennes ont livré une lutte sanglante, les armes à la main, pour la libération de la patrie, lors de la lutte révolutionnaire anti-japonaise, et pendant l'après-guerre de libération de la patrie, elles ont participé aux batailles à mort pour défendre la patrie contre l'agression impérialiste, au front et à l'arrière, en faisant preuve du courage et du sacrifice sans égal. Elles ont également accompli des mérites éclatants dans l'éducation et la progression victorieuse du socialisme et la mise sur pied d'une puissance socialiste avec le grand patriotisme. La fidélité pure envers le parti et le leader, l'esprit de dévouement pour la patrie et le peuple et la noble obligation morale constituent les caractéristiques idéologiques et spirituelles des femmes coréennes. Donc, avoir une telle grande troupe de femmes révolutionnaires excellentes est la grande fierté de notre parti et de notre peuple. L'Union des femmes est invitée à œuvrer activement pour la transformation de toute la société par le kimilsunisme-kimjongunisme sous la direction du parti pour faire un apport au parachèvement de l'œuvre socialiste, œuvre révolutionnaire du Tse. La tâche générale de l'Union des femmes est la transformation de toute l'Union par le kimilsunisme-kimjongunisme qui permet de se renforcer en organisation révolutionnaire infiniment fidèle aux idées et œuvres du parti. L'essentiel de la tradition du mouvement féminin du Tse est la fidélité infinie au parti et au leader. L'union des femmes doit prendre pour vie la fidélité au parti et au leader et se faire à jamais une organisation des femmes du président, du général et de notre parti. Les structures de l'union des femmes doivent s'attacher en priorité à faire de leurs membres les kimilsunistes et kimjongunistes dans l'éducation idéologique et la direction de la vie d'organisation. L'Union des femmes est en fait une organisation d'éducation politico-idéologique, donc l'éducation idéologique est une tâche principale des structures de l'Union des femmes. Les structures de l'Union des femmes doivent intensifier tout d'abord l'éducation sur la grandeur, ensuite l'éducation sur le patriotisme Kim Jong-il, la conviction, la morale et l'éducation de classe anti-impérialiste, de sorte que tous les membres aient la fidélité infinie au parti et au leader, le grand amour pour la patrie, l'esprit révolutionnaire du Pektu et la foi invariable en le socialisme, la conscience de classe anti-impérialiste résolue et la noble obligation morale. L'Union des femmes doit inviter ses membres à faire un grand apport à l'édification d'une puissance socialiste. Les membres de l'Union et autres femmes sont tenus de continuer l'esprit de lutte héroïque manifesté par les femmes de l'ancienne génération et de consacrer toutes les forces, intelligence et passion à l'éducation d'une puissance socialiste. Les structures de l'Union des femmes doivent inviter leurs membres à s'armer des idées et lignes du parti, privilégiant les affaires militaires, maintenir la posture toujours tendue et d'alerte, et à se faire femme du village de Namgang d'aujourd'hui, dont la résistance de toute la population pour défendre la patrie socialiste contre l'agression impérialiste. Les membres de l'Union et autres femmes sont tenus de remplir leurs importantes responsabilités et rôles dans la formation des enfants comme solides piliers de la Corée du Tse et de jouer un rôle de précurseur dans l'implantation de l'esprit de la vie socialiste et de la morale dans toute la société. L'Union des femmes doit lutter pour la réunification indépendante de la patrie et la souveraineté du monde. Pour renforcer les affaires de l'Union des femmes, Il faut consolider ces structures et rehausser leurs fonctions militantes et rôles. Il faut intensifier davantage la direction du parti sur les affaires de l'union des femmes. Finalement, le maréchal Kim Jong-un a exprimé sa certitude que toutes les structures de l'union des femmes, les permanentes et les membres, s'acquitteront de leurs responsabilités et devoirs dans la progression victorieuse du mouvement des femmes coréennes et le parachèvement de l'œuvre révolutionnaire du Tse, en portant haut le drapeau de transformation de toute la société par le kimilsonisme-kimjonglisme.